10 minutes après, on annonça Madame Bijoux. Josepha, par prudence, fit passer la baronne dans son boudoir en en tirant la portière. « Vous l'intimideriez, » dit-elle à la baronne. « Elle ne lâcherait rien en devinant que vous êtes intéressée à ses confidences. Laissez-moi la confesser. Cachez-vous là, vous entendrez tout. Cette scène se joue aussi souvent dans la vie qu'au théâtre. « Eh bien, mère Bijoux, » dit la cantatrice à une vieille femme enveloppée d'étoffes dites tartan et qui ressemblait à une portière endimanchée. « Vous voilà tous heureux. Votre fille a eu de la chance. « Oh, heureuse! Ma fille nous donne 100 francs par mois, et elle va en voiture, et elle mange dans de l'argent, elle est millionnaire. Olympe aurait bien pu me mettre hors de peine. À mon âge, travailler, est-ce un bienfait ?»« Elle a tort d'être ingrate, car elle vous doit sa beauté, » reprit Josepha. « Mais pourquoi n'est-elle pas venue me voir? C'est moi qui l'ai tirée de peine en la mariant à mon oncle. »« Oui, madame, le père Toul. « Mais il est ben vieux, ben cassé. Qu'en avez-vous donc fait? Est-il chez vous? Elle a eu bien tort de s'en séparer. Le voilà riche à millions. »« Ah, Dieu de Dieu !» fit la mère Bijoux. « C'est ce qu'on lui disait quand elle se comportait mal avec lui, qu'était la douceur même, pauvre vieux. Ah, le faisait-elle trimer? Olympe a été pervertie, madame. Et comment ?